Vous êtes assez fait. Assez 89.1 Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Justine Renaud nous fera boire ses paroles dans la chronique musico-scientifique Justine Pertine et on calmera notre soif en mangeant de la malbouffe dans une grosse pointe d'endresse. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 26 novembre 2015, 152 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut, Tania. Salut. It's the big 900. Ben oui. Hey, hein, ça nous change quelque chose dans la vie, ça? Pas vraiment, mais c'est pas bien grave. Non, c'est ça, mais on se fait vieux à 900 émissions. Évidemment, émission quotidienne, 900, ça a l'air plus gros que ça l'est vraiment. Ah à, ouais? À 4 émissions par semaine plus l'été, 900, c'est pas tant que ça. Ouais. Ben c'est quand même beaucoup, c'est 900. Beaucoup. C'est considérable, c'est un beau chiffre. Oui. Un beau 9. Félicitations à Mathieu. Yeah! Félicitations à toi d'avoir participé jusqu'à maintenant à quoi... ça fait plaisir. Une quarantaine d'émissions, je sais pas trop. C'est ça. Bref, bienvenue à l'émission matinale en pièces détachées. Aujourd'hui, on a Justine Renaud à 8h avec sa chronique Justine Persine. On va parler de musique et de science. J'ai vu quelques chansons qu'elle nous a envoyées. Là. Ah ouais? J'essaie de les indices un peu. Là. Je sais pas, ça a l'air... De créer une espèce de, comment dire, explosion de quelque chose. Oh, oh, OK, quelque quand même. Quelque chose comme ça. Ça a l'air de péter de tous les bords. Mais c'est tout à fait très intéressant ce que Justine a à nous dire le jeudi matin. Absolument, c'est à 8h qu'on va faire ça avec elle. On a aussi, comme tous les jeudis, la chronique Une grosse pointe d'adresse. On va goûter un produit qu'on a acheté en magasin ou en épicerie. Deux produits, en fait, parce que je te surprends ce matin. T'as amené quelque chose. Aussi amené quelque chose. Et est-ce que je peux te surprendre moi aussi? T'en as amené deux? Ben, mon produit, c'est deux variantes du même produit. OK. Donc, on a deux saveurs de produit et un autre produit. OK, une c'est bonne bon. Chronique, ça va être bon, ça. Ben oui. On va se délecter, comme on l'appelle. Je dois te l'accorder. Ça, c'était à 8h30. C'est des belles constructions de phrases, j'aime ça. Je sais, hein. Ta chronique Tania Esgola et Tania, en fin d'émission, à 9h, qu'est-ce qui s'en vient? On dirait que j'ai comme pas le goût de voler le punch, bon. Mais hier, Fred a amené dans sa chronique, a parlé de Noël. Fred Bernard, oui, exactement. Oui. Puis, il nous parlait de Noël. Et je me suis dit qu'à moins d'un mois, parce que oui, on est à moins d'un mois, là, on est le 26, fait que, tu sais. Ouais, on est à un mois, attention, à un mois du Boxing Day. Exactement. Et ça, donc, c'est cool. Je me suis dit qu'à un mois de Noël, je pouvais commencer à vous casser les oreilles avec ça. Ouais. Donc, ce matin, je vous parle d'un sujet de Noël. OK, c'est correct. C'est correct. Oui. Mais de toute façon, vous allez voir, là, ça se prend à la légère, puis vous allez pouvoir... l'apprivoiser à votre propre sens. OK. T'as un freebie avant le 1er décembre. C'est ton freebie okay. de Noël. Après good. Ça, tu dois attendre à mardi prochain, okay. le 1er décembre. D'après moi, là, oui. ça va être correct. OK. C'est avec bon. Moi. Excellent. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. On va aussi faire plein d'autres choses autour de ça. Par exemple, s'acheter des gadgets dans quelques instants avec Sexy, mais ça ne devrait pas. Là, avant ça, par contre, on débute avec US Girls. Oui, Window Shades. Au 80 FM, massif. Bon petit matin d'assemblage Reiki. Ben merci, toi aussi. We'll be right back. J'aime ça les chansons, il y a deux répliques, deux phrases, ouais, hein? Mais on les comprend pas les deux. C'est encore un mauvais choix. Non, non, c'est super bon. Hein, quoi? Quoi? T'es en train de te rabaisser. Mais non, jamais. Ouais. US Girls avec Window Shades, assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de s'acheter des choses pour se récompenser, se remonter le moral parce qu'on s'est rabaissé. Oh non! Voici Ça existe, vous allez devoir pas là. Ça existe, ça ne devrait pas. On l'a, la chronique, on achète des gadgets sur Internet sans aucun souci. Mm-hmm. On remet ça aux nous-mêmes du futur qui auront à payer les conséquences, littéralement. De c'est ces ouais, hein, c'est je plains nos prochains enfants. Ah, voilà. Ah, OK, parce que quand tu meurs, la date de carte de crédit s'en va à tes enfants. Oui, exactement. Ah, ça veut-tu ça? Non. Moi, j'ai vraiment peur que mes parents meurent. Mais c'est un fait, tout ça. C'est un fait, c'est ah, un ouais. fait. Lorsque tu meurs, tes dettes sont transmises à tes enfants. Ah, ben voyons donc. Un ouais. peu de pardon, là. Si le président Obama peut parler des dindes, mm-hmm. après la mort de quelqu'un, peut-tu parler de ses dettes? Comment? Ah, c'est pas de la vraie argent. Comment? C'est même pas, mais je sais. En tout cas, on commence. Ben non, c'est ça. On commence avec un gadget dont vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux, là, mais nous, on n'avait pas encore discuté. On avait en fait choisi cet article-là ben avant que ça sorte, là, mais on se trouve le fun d'en parler un peu. Ah, mais c'est intelligent, là. On veut dire des affaires là-dessus. C'est les pantoufles Lego. Oui. Mais en fait, les pantoufles anti-Lego qui sont faites pour empêcher les douleurs aux pieds quand on pile sur des blocs Lego parce que les enfants n'ont pas serré leur Lego, parce que t'es un enfant de cœur et tu n'as pas serré tes Lego. Ça arrive, ça. Parce que tu gardes puis tu te mets le pied sur le Lego. Mettons, peut-être. Donc, pour l'expliquer un peu visuellement, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est des pantoufles en rectangle. Mm-hmm. Donc, un peu comme une plaquette de Lego. Et en fait, ça ressemble vraiment à une plaquette de Lego. En dessous, t'as même les points comme il y avait en dessous des plaquettes de Lego. Là. Ah, ben oui. Tu construis une petite maison. Et sur le devant, ben la pantoufle est rouge pour sa semelle, noire en dessous et jaune pour le devant du pied. Et c'est écrit Lego en gros dessus. Évidemment, la plupart des pantoufles qui sont solides en dessous vont t'empêcher d'avoir mal au pied avec un bloc Lego. Mais ça, c'est fait pour être assez solide pour empêcher vraiment la douleur de passer. Alors qu'une pantoufle molle habituelle laisse ça passe pareil. C'est ça. Rappelons-nous notre jeunesse. Rappelons-nous. C'est pas si loin pour toi, hein? Hey. Non. Tu me niaises ce matin? Ben non, je te niaise pas. Absolument pas. Non. Mais non, mais avoue que c'est une invention tellement intelligente, là. C'est très intelligent. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont acheter ça à Noël. Exact. C'est autre chose que tu pourrais acheter à Noël pour essayer de peut-être plaire à quelqu'un. Genre, puis, mettons à toi, vu que t'aimes bien ce genre de caractéristiques. En fait, je dirais que j'adore. Ouais. Et que j'obsède. On a eu quelques discussions au cours des dernières semaines sur ce que t'aimais chez une femme. Oui, ben. Et ça étant un point qui ressortait quand même assez fortement. C'est dans le top 3. C'est dans le top 3, mettons, c'est vrai. Mettons, tu regardes la grandeur, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Oui, parce que t'es déjà grand. Fait c'est ça. Les fossettes, mm-hmm. les dimples, les trous des joues, j'aime bien gros ça, je trouve ça super cute. Et les taches de rousseur. Ah! Les freckles. Mais qu'est-ce que tu dois faire, Tania, si toi, tu n'as pas été béni des dieux? Moi, ouais, c'est ça, si. Avec tes propres freckles. Ben, je pourrais m'en dessiner, maintenant. T'en dessiner, peut-être. C'est même trop long. Hey, ça va coûter cher le maquillage, ça, là. Ben, tu sais, si tu vas avec un tout petit. Ouais, en tout cas, ouais, ça pourrait être long, ça pourrait être vraiment plate à faire, mais. Mais j'ai une solution pour toi. Mais c'est quoi l'invention? Ouais, c'est ça. C'est Freck Yourself, comme dans Go Freck Yourself. OK. Hein? J'ai un ami qui s'appelle Freckleton. Là, maintenant, Go Freck Yourself, ça me fait vraiment rire. C'est son prénom, son nom de famille. C'est son nom de famille. Freckleton? Ouais, c'est Chris Freckleton, mais il vient pas d'ici. Et il n'y a pas de tâche de rousseur? Oui. Je pense qu'il y a des taches de rousseur, le petit Freck. Il est chanceux un petit peu, le petit Freck. Il est toujours suivi par un âne, quelque chose comme ça, joué par Eddie Murphy. Donc, c'est ça. Oui, un nouveau produit qui va vous donner des freckles temporaires, des taches de rousseur. Bref, temporaire. Pour 36$, 72 stencils adhésifs et un rollerball de jus de freckle. Okay. Il ressemble un petit peu à du spray du Sunless Tanner. Oui. Donc, sur la page Kickstarter, si vous voulez participer à ce futur produit. Ouais, pour ceux qui veulent. Juste un petit peu de freckle. C'est que vous pouvez choisir où vous allez installer vos freckles. Ben, c'est ça. La fille, la deuxième photo, elle en a mis sur ses pas tempes, même pas en bas des tempes. Sur le côté des yeux, c'est super cute, on s'entend. Il y en a une autre qui en a mis un peu partout. Oui, en effet, c'est ça, tu peux vraiment en mettre comme ça tente et tu peux en mettre la quantité que tu veux. Oui, puis on voit la différence. Il y a une photo où la fille, elle n'en a pas partout, puis l'autre, elle en a. Ah, c'est bon, on dirait juste qu'elle est démaquillée. Oui, c'est ça. Adorable. Ah, si vous voulez plaire à Mathieu Plante, mesdames. Achetez-vous des freckles. Ça prend pas grand-chose. Ça prend pas grand-chose. Ensuite, là, on change de domaine complètement de quelque chose qui m'attire à quelque chose qui me repousse. Une fille qui croit au surnaturel à outrance, mettons. Ouais. Mettons, là, je trouve ça un petit peu comme « wow, t'es comme vraiment naïf ». C'est cute naïf, mais il y a aussi, gentiment. Mais ça dépend jusqu'à quelle limite, mettons. Oui, c'est ça. Comme, mettons, le Ouija board. Ouais. Bof. Ouais. C'est un petit peu too much. La planche de Ouija, qu'on appelle en français. Mm-hmm. Donc, c'est une table. Là, on parle d'une table de salon, les amis. Oui. Et le tapis aussi. C'est l'invention de Dave DeLille chez Dave's Geek Ideas. Et si vous voulez en acheter une, vous pouvez contacter Tom Spina Designs. C'est l'homme aussi derrière cette superbe table qui est sur assemblagerequis.com en forme de faucon millénaire de Star Wars. Il faut demander un estimé. Donc, quand on doit demander un estimé, si ça va coûter... Sacrément cher. Ah non, mais faut que tu veuilles. Vraiment. Et la petite planchette, la table planchette, en fait, a des roues pour pouvoir vraiment jouer au Ouija board. Oui, oui, avec ta table. Allô, ça va pas? Ça va pas, la tête, du coup. Qui cachait-tu dans la vie? Des gens qui ont des troubles de surnaturel. Ouais, mais là, tu joues pas au Ouija, déjà, en partant, t'as des troubles surnaturels chez vous. Et le pire, c'est que, bon, tu sais, t'as la table et le tapis, mais il faut que tu agences ça avec tes propres divans. Ben, c'est ça. Et il faut trouver des divans qui ont... Ils sont comme beige. C'est ça, beige et un genre de brun arbre, bois. Je sais pas. Fait vieillot, quoi. Exactement. Ça fait que si déjà en partant, t'as des esprits, c'est clair qu'ils vont rester avec les meubles que tu vas mettre. Ben, tu vois, si t'es naïf et innocent de même, c'est sûrement que t'es de toute façon une personne âgée pour croire au Ouija board. Ah, excuse-moi. Tu y crois pas du tout, toi. Ah, mais tellement comme absolument pas. OK, pourquoi? Parce que je crois pas au surnaturel comme ça. OK. Pas les affaires comme, tu sais, les affaires de chasse de fantômes. Ouais. C'est tellement comme... Comme l'émission, mettons. Oui, là. C'est fake à outrance. Là, comme il n'y a absolument rien de même possiblement vrai là-dedans. Je n'ai même pas pensé que c'est peut-être remotely true. Mm-hmm. Tu sais? Mais est-ce que tu crois à un certain point au surnaturel ou pas du tout? Ben, tu sais, mettons... Ou tu crois vraiment juste pas aux émissions de surnaturel? Je crois pas aux émissions de surnaturel. Je crois pas aux fantômes. OK. Je pourrais croire à la vie ailleurs parce qu'en même temps, il faudrait être un petit peu comme tête enflée pour penser qu'on est seul, mettons. Mm-hmm. Ça va. Mais de là à penser qu'ils vont venir nous visiter, nous parler français, mettons. Non, mais tu parles. Tu crois-tu aux esprits? Non. Non, du tout? Non. Ah, OK. La vie après la mort, non. Non? OK. Non. Mais tu sais, c'est. Non, puis c'est ça, puis je veux dire, je vous respecte, là. J'ai beau parler contre vous autres, là, je vous respecte pareil. Je respecte les croyances, mais c'est juste que je trouve ça un petit peu comme tiré par les cheveux. Mais je vais t'avouer que les émissions style chasseur de fantômes, puis tout ça, c'est tiré par les cheveux. Ouais, c'est surtout, ça. Ouais, ben c'est pas très, très scientifiquement prouvable, mettons. Non, en effet. En tout cas. Bref, on peut maintenant... ça, je peux te le prouver, ça existe pour vrai. Acheter un coupe-biscuit en forme de ta propre face, Tania. Ben, ouais. Je sais pas s'il pouvait avoir, si tu peux avoir ta face avec des freckles. Ah, ben, tu pourrais les dessiner toi-même c'est par ça, la suite avec du glaçage. Oh! On tu est vois? D'accord. On n'est pas d'accord sur les esprits. On mais est d'accord c'est sur biscuits. Glaçage. Et freckles, ah ouais. Donc, c'est Copy Pastry, une boutique Etsy qui vend... des coupes biscuits imprimées en 3D en forme de ta face, finalement. Ou la face de tes enfants, la face de tes parents, peu importe, face de ton amoureux, ou la face de ton chien. Hein? Donc, c'est simple. C'est, si t'as ni un ni l'autre, ben, fais juste manger les biscuits. Hein? Ben, exactement. As-tu vraiment besoin de mettre tes... Est-ce que tu vas vraiment regarder ton biscuit avant? Allô, tu sais. Allô. 50$. Pourquoi? Je sais pas. Quoi? Combien de... Est-ce que c'est juste un? J'espère que t'en as plus qu'un, là, à 50$ pour faire des biscuits qui ont l'air de faire... 3 cm par 4 cm. Ouais. Mettons, votre portrait en emporte-pièce personnalisé, 65,33 canadiens. Tu peux choisir la couleur entre rose, bleu ciel, bleu ultramarine, vert fluorescent. Il y en a comme une grosse, grosse liste. C'est fait à la main. C'est fait en PLA, une sorte de plastique. C'est envoyé depuis Budapest en Hongrie. Réalisé sur commande. Donc oui, c'est pour seulement un seul... Ah, oh, mon Dieu! De 100 mm par 100 mm par 9 mm d'épaisseur. Inspiré par vos photographies créées par une équipe de graphistes rusés et produites avec les imprimantes 3D de pointe. Avoir une silhouette, un portrait de famille, logo ou dessin imprimé ou écrire au four de votre cœur. Tu sais, quand on était jeunes, là, il y avait des motifs de même un peu pour la pâte à modeler. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, prenez ceux-là. Là, si ça vous tente pas de dépasser 50$. Ça, puis elle a sûrement en forme de face ou de quelque chose qui ressemble à vôtre. Sûrement. Ensuite... Est-ce que t'as, je sais que t'aimes pas tant le piquant, en fait. Ça dépend jusqu'où. Ouais, il y a une limite, hein. Ouais, tu sais, comme j'aime mon tartare vraiment relevé. Oui, OK. Mais ça a l'air, semblerait qu'il y a une différence entre le piquant et l'épicé. épicé, c'est juste correct. Épicé au goût et piquant, c'est comme ça fait mal à la langue, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Je me souviens plus trop quelle est la différence, mais je sais qu'il y en a un qui attaque plus l'estomac que l'autre, mettons. Ouais. Mais bref, si tu veux donner un petit défi à tes papilles gustatives. Ouais, ouais, ouais. Et à ta rondelle! c'est un emballage Hot Sauce Challenge Pack. Un assortiment de bouteilles de 75 onces comprenant 12 différentes sortes de sauces piquantes entre légère douce et kick your ass hot. Genre, t'as botté le cul. Est-ce que ça dit un petit peu, c'est comparable à quoi? Est-ce qu'on peut comparer à du tabasco? Ou... Ben, en fait, il y en a un qui s'appelle Ass Bloater. Comme ça, ça va te faire des douleurs au... c'est ça. T'as combustion spontanée. Oui. Qui va, j'imagine, te faire exploser la bouche au la complet. La bouche, ouais. Hot Sauce from Hell, créé par le diable lui-même. Puis là, c'est comme écrit dessus Beyond Hot. Beyond Hot, exactement. Et t'as Ass Kicking Original Hot Sauce, donc qui va te botter les fesses, comme on disait tantôt. Dans les autres, si je peux essayer d'ouvrir la photo. Est-ce que je peux? T'as Sriracha. OK, Sriracha. OK. Bacon. Oui. Ass Kick Bacon. OK. Cajun. Ah, miam. Chili Wasabi. Lime. Wasabi, c'est malade. Mais ça doit être très fort. C'est le genre de choses que je goûterais facilement. Et tout ça pour 26,55$ sur Amazon US. Ça vaut pas mal plus la peine que la petite affaire pour faire des biscuits, là, tant qu'à moi. Oui, tant qu'à moi aussi. Mais moins que les freckles. Moins que les freckles. Ensuite, dépendant si vous voulez impressionner quelqu'un ou non. C'est ça. On a parlé donc de sauce piquante avec des ânes dessus qui te bottent les fesses. Oui. Votre chat a aussi besoin... De se faire botter les fesses? De son propre produit, oui, de se faire botter les fesses. Parce qu'apparemment, les humains utilisent seulement 3% de leur cerveau pour l'écoute, alors que les chats, eux, utilisent 25% de leur cerveau pour l'écoute, Louis. Quand même. Donc, Music for Cats a été créé par un musicien professionnel en utilisant des équipements professionnels. C'est prouvé scientifiquement d'éliciter des positions positives et enrichir la vie de votre chat. Est-ce que tu as envie qu'on entende un extrait? On peut bien. Je sais pas si c'est loin dans la vidéo et si même la vidéo va jouer, parce qu'évidemment ici, j'ai rarement l'image. Est-ce que t'as l'image? All of the music cats have ever heard was created by humans for humans. La seule musique que les chats ont entendu de leur vie était la musique créée par des humains pour des humains. As gods, to a time when they're worshipped online, cats have had to listen to music they often didn't actually like. Depuis le début de leur vie créée par les dieux jusqu'à leur vie créée par les humains sur Internet, les chats ont eu seulement de la musique plate jusqu'à maintenant. This is Music for Cats. Voici Music for Cats. For the first time, the world can hear music composed for animals verified by science. Vérifié par la science. You're listening to it right now. Vous l'écoutez en ce moment même. Il y a comme des ronronnements. Oh, c'est ça que j'allais dire. By understanding and playing sounds that cats respond to, we elicit feline feelings. Auxquels les chats peuvent répondre. Nous créons des sentiments. Most of our sense of music comes from the womb. Notre connaissance des musiques provient du ventre de notre mère. Nous avons compris le rythme à partir de du battement de cœur de notre mère. La compréhension des chats arrive avec les sons une fois qu'ils sont nés, comme les oiseaux qui font du bruit d'oiseaux. Ou le ronronnement de leur mère. La batterie qui donne le rythme dans notre musique, alors que les chats préfèrent un autre rythme. Il y a comme du violon pareil dedans. Ah, mais je vais t'avouer que les chats ont tous l'air traumatisés dans la vidéo. C'est ça comme entendre de la musique pour la première fois. C'est une expérience que vous pouvez partager avec votre chat. La science nous a donné une nouvelle façon de se rapprocher d'eux. Pour les réconforter, pour enrichir leur vie par la musique. Découverte, dimanche 19h. Ouais, parce que. Sur ici, la chanson est composée par lui. Chaque chanson est composée par lui. Oui, c'est ça. Vraiment, il y a le ton d'une émission de vraiment, hein. Mais j'ai pas ça. T'aimes les chats, toi, un chat, je comprendrais. Je n'aime pas les chats, je n'ai pas de chat, je n'écouterai pas. Mais sérieusement, j'ai été capable d'écouter un bout du vidéo comparément à toi. Je crois que ça ne fonctionne pas sur ton ordinateur. Non, la vidéo joue pas, mais le son joue. Les chats ont tous l'air traumatisés de ce qu'ils jouent. Mais c'est parce que c'est la première fois qu'ils l'entendent aussi. Probablement. Bref, leur page est sur Kickstarter. Vous pouvez retrouver ça sur assemblagerequis.com. Le projet s'appelle Music for Cats. Music voilà. For Cats was born from my Music efforts for to cats. Bring... Hey, il parle longtemps, le gars. Hein? Oui, la vidéo est très longue. Ensuite, Garmin. Tu connais la compagnie Garmin, la compagnie de GPS. Oui. Oui. Donc, Garmin qui vous aide à garder l'œil sur vos enfants avec la BBCam. Oh. Les parents n'auront plus besoin de revirer leur tête pour garder l'œil sur leurs enfants sur le siège dans l'arrière. Le BBCam va le faire à leur place. C'est un système de caméra vidéo sans fil qui se monte facilement sans outils avec des braquettes twist to clamp. Donc, on peut accrocher aux accotoirs de tête. C'est mm-hmm. ce qu'on appelle? Les accotoirs. À côté de tête. Donc, la caméra se connecte à plusieurs appareils de navigation Garmin et affiche la caméra sur l'affichage du navigateur. On peut passer de la vue navigation à la vue caméra. On peut avoir jusqu'à 4 babycams. 4 babycams, ça, il faut avoir un méchant truc. Chacun fonctionne avec 2 piles 2A qui ne sont pas incluses. Et il me semble que ça ne doit pas durer longtemps, des caméras, des piles 2A. Mais bon. Garmin vous vend les babycams pour 200$. On ne sait pas encore quand ça va être disponible, mais on peut s'inscrire sur le site de Garmin pour savoir quand ça va être envoyé. C'est une très bonne idée, mais vraiment, les piles 2A, je ne suis pas sûr. Ça aurait dû, il me semble, avoir un autre système de batterie. Mm-hmm. Qu'on aurait pu faire recharger sur un socle pour peut-être les 4 caméras en même temps. Je sais pas. Je trouve pas ça une bonne idée du tout. On a fait imprimer tantôt pour les pâtisseries, en fait, pour les biscuits. Un petit template, un stencil de ta face. Oui. Avec des fricots. Maintenant, tu peux avoir un porte-clés personnalisé de couple. En fait, deux porte-clés de l'apparence de ton copain et de toi, ou ta copine et de toi, ou peu importe, donc, pour rester toujours côte à côte. C'est comme les cœurs que tu sépares en deux, chacun en a un. Là, c'est deux porte-clés de couple que chacun amène de son bord de l'autre personne, pas de soi-même. Ça fallait être un petit peu bizarre pour amener celui de soi-même. C'est quétaine à souhait. Oui, mais c'est beau par contre, non? Tu trouves ça beau? Ben, c'est que c'est pas. Moi, je trouve qu'ils ont l'air d'un couple de manga. Oui, c'est parce qu'ils sont asiatiques, Tania? Mais non, là. Raciste? Je sais pas. Ils ont pas les grands yeux comme dans les mangas. Non, je suis d'accord, mais je trouve ça l'air de pareil. Ouais. Je l'achèterais pas. Non. Vous devez renvoyer quelques photos, deux copies de vous en polymère vont être renvoyées à votre maison pour 45$. C'est 45$ pour deux figurines. Pour les deux, je suis désolée, là, mais si jamais je me fais un chum dans les prochains mois, attends-toi pas à ce que j'aille un porte-clés de toi. Et en dollars canadiens, c'est 61,48$ pour les deux. Non, en fait... Sur la page Etsy, la boutique de Vivanto... Dis-moi pas que c'est juste pour une. Vivanto Upper Studio, oui, c'est juste pour une. Oh, c'est mon Dieu. 116,14$ pour le couple. C'est fait en argile de polymère, pas le mercure. Mais je sais non. pas si c'est la traduction, mais ouais. C'est cher, hein? Et tu vois les photos qui ont inspiré les figurines. Les personnes. Le gars, il a même pas l'air tant asiatique. Ben, c'est ça. C'est ça que je disais. Mais sa figurine, oui. Sa figurine, oui. La Puis on dirait un mauvais gars de boy band, genre oui, One oui, Direction. Oui. Tout à fait, oui. C'est Selena Gomez et. Justin Bieber et Cheveux Noirs. Pour vrai, c'est vraiment ça. On s'est rejoint là-dessus, je pense. Ouais. Ensuite, c'est une tasse à café avec température ajustable. Je pense qu'on a peut-être parlé, celle-là, il me semble. On n'en a pas parlé, mais je pense qu'on en a parlé à l'extérieur des ondes. Les ondes et leurs ondes, c'est comme une confusion qu'on sent. Parce que Dieu sait à quel point on aime le café. Oui, Dieu sait. Donc, pour garder votre café bien au chaud ou votre eau bien au froid, c'est une tasse haute technologie qui va permettre d'ajuster la température en faisant tourner la base de la tasse. OK. Donc, c'est comme un minuteur, si on veut, quelque chose comme ça. Donc, on tourne la base et on met ça à la bonne température. Il y a un petit affichage numérique sur le côté. Et puis, votre café va rester à cette température-là pendant plusieurs heures. Pour 129$, c'est super, ultra, méga, manga cher. Mais... C'est cool en titi. Si t'es vraiment, là, vraiment accro au café... Genre, mettons, exemple, nous autres, mettons. Là. Exemple. Puis que tu bois du café pas mal n'importe où. Ouais. Incluant le Québec à moins 40. Oui, et sur une longue distance, peut-être, tu sais, mettons que t'as pas de voiture, puis que tu marches... Exemple. Le matin, hein, Mathieu? Là, tu me pointes, là. Ben là, avoue que t'as vu. Ou mettons, t'es tout le temps rendu à Las Vegas ou en Ontario, mettons, là, je te pointe, mettons. Ouais. Chacun ses affaires. Moi, je trouve... Oui, c'est cher quand même pour 129$. Et américain. Mande-le au Père Noël. Exactement. C'est pas nécessairement toi qui va payer. ou envoie une photo d'une tasse à café à l'autre gadget d'avant, puis ils vont te renvoyer une polymère, une tasse en polymère. Ça serait malade de faire un... Avec des fréquels, ça va être écœurant. Avec des fréquels. Ensuite, une station de travail sur laquelle tu peux t'asseoir, te coucher et t'asseoir. Ah, OK. Tu peux faire tout le kit en même temps, maximiser votre performance au travail avec le confort total de pouvoir s'asseoir, se lever debout et se coucher et tout ça avec cette station de travail pour les tout utilisateurs pour... à haute intensité pour 4 900 $. Ah oui. Parce que 5 000 serait beaucoup trop rond. Ben oui, et c'est sûr. En argent américain encore. Mais on dirait vraiment une chaise de dentiste. Oui, ben c'est ça. C'est littéralement la même forme qu'une chaise de dentiste. Et sûrement même probablement recyclée d'un ancien bureau de dentiste qui a mais fermé. C'est ça que je voulais dire. C'est probablement un dentiste qui a eu l'idée. Parce que t'as une pédale sur le côté qui, j'imagine, peut être ajustée seulement par un dentiste avec son pied. Probablement. Et à l'avant, t'as vraiment super futuriste, un tuyau qui sort, genre de, j'imagine, de métal. Là. À ce prix-là, j'espère que c'est pas du plastique cheap. Là. J'espère. Et ton écran d'ordinateur est affixé, est fixé à ça. Et t'as un portable aussi qui tient dans les airs. Et là, tu regardes ça et puis je sais pas, on dirait que tu vas te faire un tunnel carpien mais pieds et aux mains. C'est un peu tannant. À chaque fois que tu bouges la chaise, il faut tout que tu réajustes l'ordinateur. Tout ça. Ça s'appelle Outwork, The New Way to Work. Ça dépend. Là. Si tu te prends pour Iron Man ou quelque chose, vas-y. Ouais, c'est... Mais je suis pas certaine que je dépenserais 4 900 petits beaux dollars. Pour m'asseoir comme chez le dentiste. Ça a pris 5 ans d'ingénierie et plus d'un million d'argent de fondateurs et de angel investors. Et on lance une campagne de financement pour développer encore plus cette première station de travail faite pour les utilisateurs à haute intensité. Vraiment, wow. Pas sûr, Altwork. Pas certaine, moi non plus. Non, je... Bon. c'est pas cute en plus. Est-ce que t'as un petit évier pour cracher dedans, mettons, après quelques minutes? Tu sais, si t'es en train de boire. Peut-être t'es gargarisé. Grrr. Je pense que ça va être assez de gadgets pour aujourd'hui, Tania. Je pense que oui. Oui, assemblagewiki.com. Parce que sinon, on va dire plein de niaiseries. On aime ça, on était bien parti. Assemblagewiki.com pour les notes de cette chronique-là et de toutes les autres chroniques de l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve dans quelques instants avec une chronique tellement plus pertinente de Justine Renaud. Ça n'a pas de sens. On lève l'émission d'une coche à bout de bras. Elle non plus à pas de fréquent. Non, pas de fréquent. Non, pas de fréquent. Et là, puis elle nous fait des signes. Non. Retour, je sais que personne reste là. C'est fou. 89.1. Pour plus d'informations, visitez cfou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce jeudi 26 novembre 2015. C'est Nathalie Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui. Et à ma gauche. Ta gauche, ma... droite. Ben, comme diagonale, à une heure, mettons. Oui. Environ. Mettons. Environ. Malheureusement, on n'a pas une heure avec elle, on a seulement une petite demi-heure parce qu'elle est tout le temps bien pressée dans la vie. C'est Justine Renaud que voici avec Justine Pertine. Bon matin. Bonjour à toi. Je pense qu'on est tous en manque de doudou. Non, je pense que oui. Hein. Je suis tellement en manque de doudou en ce moment. Je me suis réveillée un matin, j'étais comme, mon Dieu, non, que je veux dormir pendant les 10 prochaines années, s'il vous plaît. Ah, mais, je suis d'accord. Quelle position est-ce que tu utilisais pour... T'as le doigt comme engourdi. Ah oui, je comprends. Je me demandais où est-ce que ça en allait avec ça. Des fois, j'ai le bras engourdi quand je m'endors sur mon bras, mettons. Oui. Ça peut arriver le matin, tu fais comme t'as mal au bras, mais là, t'as juste mis un doigt quelque part, je sais pas où, dans ta bouche. Fouille-moi, sérieusement, je sais pas, mais ça m'arrive à peu près à chaque nuit que je me réveille, puis j'ai comme la moitié du corps... Engourdi? Oui, engourdi. Non, pas la moitié du corps, mais disons facilement les deux bras. Disons que je suis couchée sur le ventre et que j'allonge mes deux bras par-dessus ma tête, par-dessus l'oreiller. Ça fait en sorte qu'il y a comme vraiment moins de circulation. T'as bien des affaires, que ce soit influx nerveux ou circulation sanguine. Puis je me réveille comme à moitié engourdi. Puis je me dis que ça serait là, si j'avais à me faire amputer, que ce serait le meilleur moment de ma journée. Oui. En tout cas, ça m'arrive pas souvent de me faire amputer. Si jamais ça t'arrive, appelle-nous. Te faire amputer par deux de tes membres engourdis par un animal, parce que c'est comme l'animal va faire nom nom nom, c'est comme nom comme quand t'es engourdi. Nom nom nom. Donc, Justine, aujourd'hui, tu te prends pour une terroriste. Ben oui, c'est... En fait, j'y ai pas tant de penser à moi.

Je m'excuse, mais oui, je dois la dire en onde. T'as fait une excellente blague, Justine. T'as dit Microsoft Paint et ça me fait extrêmement rire. Microsoft Paint, c'est vraiment très drôle. J'ai pas le choix. Ben, les gens, s'ils étaient là avant la pause, vont comprendre. Sinon, ils sont comme de caisse. Bon, mais les pauses durent 1 minute et quart. On parle. Ah, mettons qu'ils viennent de synthétiser. Synthétiser. Ils viennent de synthétiser le 89A. C'était, la synthèse, c'était teinte, anus. Tout ça avant la pause. Quand, ouais, avant la pause. Tout ça. Ouais. On parlait de cette région-là, là. Oui, oui. Tout c'est, ça après avoir parlé d'explosion. C'est sur la map monde. C'était tout interrelié. Oui. Merci, Justin. On était rendu à passer à Tania Beaudin. Ben oui. Oui, c'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant elle décolle. C'est Tania! And she's gonna entertain ya! Entertain ya? Ah, fallait être là à la précédente chronique pour la comprendre. Ouais. Donc, Tania Beaudin. Oui, bonjour, bon matin. Bon matin, tu vas nous divertir un petit peu aujourd'hui en nous parlant d'un sujet pas controversé. Pas controversé. Mettons Noël. Mettons. Ben, c'est un peu controversé. Ouais, ça dépend d'où on vient. Tu sais, on n'a plus le droit de mettre un sapin au centre-ville de la ville de Trois-Rivières. Fait que c'est quand même assez controversé. Ben, ça dépend d'où on vient et ça dépend d'où on va. Hein? Exactement. Bon. Mais qui n'aime pas Noël de toute façon? Ouais, c'est ça. Est-ce vraiment des gens qui n'aiment pas Noël? C'est quand même une période réjouissante. Je vais vous avouer pourquoi je fais cette chronique ce matin. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que Fred nous avait glissé un mot de Noël hier dans sa chronique. Fred Bernard, Google Globe, oui. Exactement. Par contre, aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de ma grand-mère qui est Cécile Amel. Salutations, grand-maman du haut du ciel. Salut, Cécile. Mais elle adorait Noël. Est-ce que c'est Cécile Amel? Non, c'est Cécile okay. Amel. Pas le prénom Cécile à Mélanie. Non, exactement. Okay. Cécile Amel. Et puis, c'est une grande dame qui aimait beaucoup Noël et qui passait à peu près exactement un mois à préparer notre réveillon de Noël. Ah! Il y en a qui mettent beaucoup d'efforts. Oui. C'était un joyeux festin assez incroyable ouais. Et un party de Noël qui n'en finissait plus. Mm-hmm. C'était vraiment sérieusement les meilleures soirées ever de Noël. Mais tout ça pour dire que ça m'a amené à parler de Noël et surtout à un mois de Noël. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Cette fin de semaine, j'ai commencé à réaliser que TVA, TQS, mais oh, VTélé et toutes ces petites chaînes-là qui nous divertissent. Oui, en achetant des bundles de films pas chers. Ben, c'est oui. Ça. Commence à passer des films de Noël. Alors, en fait, moi, je vous propose mes films de Noël à moi personnel préférés pour le prochain mois. Si vous êtes du style à commencer à écouter des films de Noël avant même qu'il y ait de la neige dehors. Oui. On n'est pas gâtés à date. Exactement. En ce jeudi matin. C'est ça. Pour ceux qui nous écoutent le jeudi. Eh bien, écoutez ces suggestions parce que ce sont mes préférés. Et peut-être, est-ce que vous allez vous dire « Ah, oh, je devrais peut-être écouter ça. Ouais. » Vous allez voir, il y en a pour de la diversité. Le premier, ben, c'est un film québécois sorti en 1984. Film d'André Melançon avec Cédric Jourde, Marie-Pierre Adamour, Olivier Monette. Le DVD est sorti en 2006. Est-ce que tu me vois venir? Absolument pas. Absolument pas? Aucunement. Eh bien, je parle de La guerre des tuques. Ah, ce film de Noël, je ne savais même pas. Ben, c'est un film de Noël, c'est un film du temps des fêtes. D'hiver. D'hiver, parce que automatiquement, dans le film, c'est le congé de Noël. OK, oui. Tu sais, ils n'ont pas décidé de faire ça puis de lâcher l'école. Là. Non, non. C'est pendant les vacances de Noël. Puis en revenant de l'école, bien, il y a un des personnages qui est Luc Chicoine, évidemment, qui propose de passer leurs vacances à jouer à la guerre. Et si une des équipes gagne, eh bien, ils vont gagner le butin qu'ils vont savoir partager au début de l'hiver. Oui. Bien, ça ce réunit. Ce qui est le fun de l'original, c'est qu'il n'y a pas Céline Dion pour chanter dedans. Non, il y a Nathalie Simon. C'est encore pire. Ouais. Oh, t'es méchant. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que t'as déjà écouté La guerre non, des tuques? Non, je m'excuse. T'as jamais écouté La guerre des tuques? Mais c'est moi les films, hein? Ah, ouais? J'en ai pas vu bien envie. Mais là, je dois avouer que je vais te prêter le DVD et que tu te dois d'écouter La guerre des tuques cette année. Tu serais pas la première qui me prêterait un DVD et que ça prendrait comme 3 ans que je finisse par le regarder. Mais tu sais, c'est parce qu'il faut que tu comprennes, quand le DVD de La guerre des tuques est sorti, je l'ai demandé non seulement à mes parents pour Noël, mais je l'ai aussi demandé à mes amis lorsque j'habitais à Montréal et j'en ai reçu deux. Oh! Et à chaque année, tous les films que je vous présente aujourd'hui, je me dois de les regarder. Alors, voici les trois règles de la guerre dans La guerre des tuques. Pour ceux qui ne se souviennent pas, les ennemis se parlent plus en vacances se rouvre pour s'envoyer des vacheries. La gare commence au petit matin et s'arrête à la nuit tombante durant toutes les vacances d'hiver. Mm-hmm. Donc, évidemment, tu passes la journée dehors. Ouais. C'est tes parents qui te remercient. Et la troisième, les moins nombreux vont construire un fort et l'équipe qui sera dans le fort à la fin des vacances aura gagné. Ah. C'est comme ça qu'on va déterminer qui va gagner le butin. Cinq. Mais si tu as jamais vu la gare des tuques, mais là, je me dois de ne pas dire le punch. Non, je sais qu'il y a un punch, puis il me semble que je me rappelle de quelque chose, mais je dis rien moi non plus. Il me semble que je le sais. OK. Mais je suis pas sûr. On se le dira à rond. C'est ça. Ouais. Mais tout ça pour dire que les jeunes sont divisés en deux équipes. Ils vont passer l'hiver à faire la guerre. Et il y a Luc qui va peut-être avoir une petite relation amoureuse. Yes, Vas-y, bébé. Tu sais, ils ont à peu près 12 ans. Là. Ton frère d'amour a 12 ans. Bon, bon, bon. Tout ça pour dire que c'est un film de Noël qui est, ben, de Noël, du temps des fêtes, disons-le comme ça, qui est un incontournable de la culture québécoise et que vous devez d'écouter ce film-là si jamais vous ne l'avez pas vu. Moi, c'est vraiment mon top 1. Je l'écoute à chaque année. Bon. Mais on dirait qu'en fait, ce sont tous mes top 1. À égalité. C'est ça. Le deuxième dont je vous parle, c'est le film Miracle sur la 34e rue. Et là, je vous parle pas de l'original sorti il y a super longtemps. En noir et blanc. C'est ça. Je vous parle de celui en 1994, ouais. Qui est le film de Les Mayfield avec Elizabeth Perkins, Dylan McDermott, Richard Attenborough et Mara Wilson, qu'on a entre autres vu dans le film Mathilda. Mm-hmm. Je sais pas si tu avais déjà vu ce film-là. Ben, je sais qu'il est dedans, je l'ai pas vu. Non. OK. Eh bien, en fait, c'est pas très, très compliqué. Elizabeth Perkins, qui joue le rôle de Dory Walker, elle est responsable des événements spéciaux dans un grand magasin sur la 34e rue. Elle doit organiser la parade du Père Noël pour le temps des fêtes. Évidemment, ça commence et c'est Thanksgiving. Donc, on est dans ce temps-là. Là. Ça serait le temps parfait pour écouter ce film-là parce que le film commence et c'est Thanksgiving. Mais le figurant qui est censé faire le Père Noël pendant la parade, eh bien, arrive complètement ivre, et bien là, on va apprendre un petit peu plus tard que Dory, encore une fois jouée Elizabeth Perkins, doit trouver un nouveau Père Noël. Mais le Père Noël qu'elle trouve, peut-être a-t-il une petite caractéristique de plus que tous les autres qu'elle a passé en entrevue. Ah? Mais comme t'as pas vu le film, je te dirais non. Pas le punch. Mmh. Mais je veux juste vous dire que c'est important de croire en la magie de Noël. Bon, OK. Tu sais très bien que je crois pas en grand-chose, puis t'essayes là, de ouais, me convertir. Je sais. Non, mais c'est l'essence même du film. Ouais. C'est qu'en fait, Elizabeth Perkins, qui joue Dory Walker, ne croit plus en l'esprit de Noël depuis qu'elle est tout petite. Mara Wilson, qui doit avoir dans le film à peu près comme 10-11 ans, genre? Ne croit déjà pas au Père Noël et tout ça. Et l'essence même du film est de faire revenir cette fameuse magie du temps des fêtes et de croire en la beauté de Noël. Mm-hmm. Alors, je tiens à vous dire, le Père Noël existe. OK? OK! Je devais le dire. Le troisième dont je vous parle, je dois vous avouer que je connaissais pas le titre en français. En français, ça s'appelle « Petit Papa Noël ». En anglais, c'est Jack Frost. Ah, ben oui. Sorti en 1998. Moi, je connaissais le. Ben, c'est ça. Mm-hmm. Moi, je connaissais Jack Frost, le bonhomme de neige, que je savais pas c'était Petit Papa Noël ici. Mais c'est un film de Troy Miller avec Michael Keaton et Joseph Cross qui joue le petit garçon, qui joue Charlie. En fait, quelle est l'histoire? Eh bien, c'est très facile. Jack Frost, qui est un chanteur, ne tient jamais ses promesses envers son fils Charlie. Et un soir, malheureusement, lorsqu'il tente de revenir d'un spectacle, il meurt dans un accident de voiture, puis ressuscite un an après sous les traits d'un bonhomme de neige. Ah, wow! Fait vécu, d'ailleurs. Ah! C'est comme où, ça? Oui, Jack Frost, basé sur le Québécois Jacques Givre. Ben oui, exactement. Mais c'est un très beau film, parce que c'est... Ben, je pourrais le déduire de même, là. Mais c'est que les gens qui nous quittent ne nous quittent jamais vraiment beaucoup. Ils vont toujours rester là. Oui. Et c'est un film que j'aimais beaucoup étant jeune. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas regardé. Pourtant, il passe à chaque année à la télévision, mais la raison pour laquelle je ne peux l'écouter, c'est chaque fois que j'écoute ça, je pleure ben ma oui, vie. C'est sûr. Surtout à la fin. Il arrête pas d'avoir des pubs à toutes les 5 minutes. Mais surtout. C'est normal de pleurer. Mais c'est triste. Ouais. C'est triste. Puis moi, tu sais, j'ai l'air. Ça me touche, le genre de film de Noël, là, où on perd quelqu'un, puis l'esprit de Noël est là. Puis une carotte à la place du nez. Puis une carotte à la place du nez, puis qui fond si tu l'amènes au soleil. Tu sais, c'est beau, c'est un beau film, ça s'écoute bien, puis ça s'écoute en famille aussi. Oui. Alors. C'est différent de Bouli, l'autre bonhomme de neige avec un gros nez rouge. Oui, mais tu sais, je l'ai déjà dit, hein, moi, j'aime pas tant les films d'animation. Ouais. Alors, film d'animation de Noël, je sais que La Guerre des Tuques est sortie en animation. Oui, oui. Je suis même pas certaine que je vais aimer ça. Il y a Céline Dion dedans. Ah, ouais, mais pff, Fred Pellerin aussi, puis ça change pas ma vie. Hein. Le quatrième, bien, c'est beaucoup plus une série de films. C'est pas nécessairement des films de Noël, mais encore une fois, ça se passe dans le temps des fêtes. La Reine des Nains. Let it go! Let it non, go. Malheureusement. Non. C'est la série de films Mikey Ducks. Mighty Ducks, ok, ouais. Oui, ben oui. Le premier sorti en 1990, c'est des films de Stephen Erick avec Emilio Estevez et évidemment Joshua Jackson. C'est évidemment. Hein? C'est des films d'hockey, ben oui. Là, je suis désolée, mais moi, écoutez, les sportifs. Hein? Écoutez les écoutez les Mighty Ducks. Okay, ouais. C'est un must du temps des fêtes. Je me dois de l'écouter. Même si je ne l'ai pas DVD, là, je le trouve sur Internet, je me dois d'écouter les quatre films. Ah ouais, il y a quatre films de ça? Genre. Oui. Wow. En fait, l'histoire est très, très simple. C'est Gordon Bombay, qui est joué par Emilio Estevez, qui est un avocat de carrière. Ben, il est condamné pour conduite en état d'ébriété et il doit réaliser des travaux d'intérêt général en devenant entraîneur d'hockey pour une équipe qui... on doit le dire, n'est pas la meilleure équipe au monde. Et au début du film, on apprend qu'il déteste par-dessus tout le sport du hockey. Mais plus le film avance, plus on joint l'équipe. Eh bien, l'équipe apprend au fur et à mesure que Gordon Bombay, en fait, a une carrière de joueur d'hockey qui s'est stoppée assez rapidement après un tir de barrage raté en finale d'un championnat lorsqu'il avait genre 10 ans. Ah, bon. Wow, quelle carrière! Ben oui, hein? Mais on aime tous croire que oui, Gordon Bombay a eu une grande carrière en hockey malgré le fait qu'il avait juste 10 ans. Alors, avec l'aide de son ancien employeur qui est Monsieur Ducksworth, eh bien, Gordon Bombay va transformer l'équipe, la renommer sous le nom de Ducks et lui faire gagner des matchs pour finalement la faire atteindre la finale des séries éliminatoires. L'équipe se retrouve enfin en finale et se retrouve à jouer contre l'équipe de Bombay lorsqu'il était jeune. Incroyable! Qui est encore dirigée par le même coach. Incroyable! Tu sais, mettons, genre 30 ans plus tard. Oui, ça se tient, ça, là. Puis le gars qui joue, tu sais, comme l'entraîneur, a zéro changé à part le fait que c'est comme si ses sourcils sont rendus gris. Par rapport au flashback, genre. Exactement! Aïe, aïe, que c'est drôle. Mais, tu sais... oui, peut-être qu'intemporellement, il y a peut-être des petites défaillances dans le film. Ben, ça s'appelle de la suspension of disbelief. Quand tu regardes un film, tu n'es pas supposé penser à ces affaires-là. Exactement. C'est très bon. Moi, j'ai toujours aimé écouter les Mikey Ducks. C'est peut-être parce que j'avais un frère qui aimait aussi écouter qui ça. Qui était un canard. Okay, ouais. Mais qui était un canard. Non, mais on écoutait ça en famille, tu comprends? Puis c'est un sport quand même assez reconnu ici au Québec. Alors évidemment, oui, ça passait à la TVA et à TQS dans le temps. Ben oui. Donc on écoutait ça les samedis soirs, là, où quand on n'avait rien à faire puis qu'il faisait froid. C'était le fun à faire. C'est vraiment trop spécifique comme souvenir. Tu te ressembles pas mal d'ailleurs dans ton flashback. Oui, je sais. Le dernier film dont je vous parle, tantôt j'ai dit que La Guerre des Tuques c'était mon top 1, eh bien je suis désolée, mais je le détrône immédiatement. Revirement de situation. Le film de Noël que j'adore le plus au monde, c'est Noël dans la montagne magique, un film de 1986. Qu'est-ce que c'est ça? En anglais, ça s'appelle A Smoky Mountain Christmas. Okay. C'est un film d'Henry Winkler avec Dolly Parton, Lee Majors et plusieurs jeunes enfants. C'est un film légèrement basé sur l'histoire de la Belle au bois dormant, je dois l'avouer. Par contre, c'est l'histoire de Dolly Parton qui joue le rôle principal, bien évidemment. Elle joue une chanteuse country qui se retrouve, je veux pas dire en dépression, mais qui se retrouve dans une espèce d'impasse dans sa carrière, à savoir qu'est-ce qu'elle veut faire exactement. Alors, pour le temps des fêtes, elle désire s'isoler dans un petit chalet sur une montagne, là où elle allait quand elle était jeune. S'isoler, c'est le verbe s'isoler. S'isoler. Okay. Exactement. Puis elle décide d'aller dans une petite cabine, là où elle réalise qu'il y a un film. Un chalet, genre? Ouais, mais OK, parfait. J'essaie de comprendre ce que tu me dis en même temps. Il y a déjà du monde dans ce chalet-là. OK. Et en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un peu basé sur l'histoire de La Belle au bois dormant. Il y a 7 enfants qui se sont enfuis d'une... comment t'appelles ça? je veux pas dire shelter, mais... famille d'accueil, mettons. Famille d'accueil, exactement. Qui se sont enfuis d'une famille d'accueil et qui se sont réfugiés dans cette espèce de fameux chalet-là. Alors, bien évidemment, elle va apprendre à les connaître, elle va prendre soin d'eux. Sont-ils genre de mauvaise humeur, éternuants, vous savez que grumpy, sneezy... je dirais que c'est pas tant focus là, sur les caractéristiques des sept nains. Par contre, on peut trouver certaines ressemblances. Ouais. Oui, exactement. Puis, bien évidemment, elle va aussi avoir une certaine relation amoureuse, elle aussi. Tu sais, c'est la belle au bois dormant, on n'a pas le choix, ça y prend un prince charmant. Mais, je dois vous avouer que ce film-là m'a été montré lorsque... je me souviens pas, c'est quand la première fois que j'ai écouté ce film-là, mais ça a été écouté avec ma mère et, je dois le dire, depuis que je suis toute petite, je cherche à avoir ce film-là avec moi et je suis incapable d'acheter ce film-là. Ce film-là a été, en fait, créé pour être passé sur la télévision. C'est ça, c'est un téléfilm. Sur une chaîne qui était CMT, Country Music Television. Et c'est impossible de le trouver en DVD ou en cassette. Pas. Parce que les téléfilms, ça a une durée de vie parfois courte. Mais des fois, parfois, super longue et genre à jouer à chaque deux semaines à VTL en après-midi parce qu'ils font rien que ça, jouer des films. Exactement. Si tu surveilles les programmations, éventuellement, il va sûrement refaire surface. Probablement. À la Par télé. Contre, moi, la seule façon que j'ai trouvé de l'écouter, c'est de l'écouter sur YouTube parce qu'il y a quelqu'un qui a découpé chaque partie. Parce qu'on trouvera jamais ça sur DVD, c'est sûr. Ben, je pense pas, mais je suis vraiment triste de pas pouvoir trouver ce film-là sur DVD parce que c'est le film qui a bercé mon enfance. Ouais. Honnêtement, je connais toutes les tunes de Dolly Parton dans ce film-là par cœur et je crois que c'est la raison pour laquelle j'aime le country aujourd'hui. Ah oui. C'est à cause de Dolly Parton dans ce film-là. Dolly Parton est tellement une grande vedette que ça me surprendrait pas que ce film-là soit trouvable quelque part. Je m'en ai aidé là-dessus. Ben, je dois t'avouer, là, j'ai cherché eBay, j'ai cherché Kijiji, j'ai cherché Amazon. Ce film-là est introuvable si jamais vous trouvez Noël dans la montagne magique en français ou Smoky Mountain Christmas en anglais. Je vous en prie, faites-moi parvenir où il se trouve. Il est sur Amazon.com en DVD. Oh, ouais! Oui. Sorti le 1er janvier 2012. Ah, ben, Moses. Hein? Je t'ai trouvé ça, moi. tu m'as trouvé ça de façon assez rapide. Ah, Boum! C'est clair que je m'achète ça comme tantôt dans le bureau. Après avoir travaillé. C'est ça, après avoir travaillé, bien évidemment. Je tiens à le rappeler, c'est un film de 1986. Donc, oui, bien évidemment, il y a des différences avec aujourd'hui si jamais vous décidez de l'écouter. À prendre en considération que non, ce n'est pas une vraie montagne et non, ce n'est pas un vrai chalet. Donc oui, à certains moments, on se rend compte qu'ils sont dans un studio, OK? Mais mettez ça de côté pour vous rappeler que c'est la magie de Noël qui compte dans le film et non pas le studio qu'on entend. Dolly Parton, la couverture du DVD était pas mal plus jeune que dans le film. Dans le film, elle était déjà à l'âge, en 86, oui. Elle était physiquement pareille comme elle est maintenant. Oui, oui, oui, physiquement, c'est comme super petite taille, des seins... gonflés à l'hélium. Gonflés. Je sais, hier, j'écoutais un extrait du film, d'ailleurs, pour vous en parler ce matin, et je disais à ma mère, je comprends pas comment cette femme-là a réussi à faire de la guitare avec la longueur des ongles qu'elle avait. C'est terrible. Moi, tu sais, comme je veux réapprendre à jouer de la guitare, mais oublie ça, là, je pourrais pas jouer avec des ongles longs comme ça. Mm-hmm. Mais elle utilisait pas de pic de guitare, c'était vraiment ses ongles qu'elle utilisait parce qu'ils étaient assez longs pour faire ça. Ouais. Mais bon. Ouais. Donc, c'est mes films de Noël. Je vous les rappelle. La guerre des Tuques, film de 1984. Miracle sur la 34e rue, celui de 1994 et non pas l'original en noir et blanc. Jack Frost, 1998. La série des Mighty Ducks, le premier étant sorti en 1990. Et le dernier, Smoky Mountain Christmas ou Noël dans la montagne magique, film de 1986. Wow! C'est beaucoup de matériel en une seule chronique, ça. Oui, mais ça valait la peine. Absolument. Parce que j'espère que vous allez tous les écouter avant Noël. Et si jamais vous les écoutez et que vous ne connaissiez pas ça, bien, donnez-moi vos impressions sur la page Facebook d'Assemblage Reiki. Mmh. Je veux savoir si vous avez aimé ça. Puis, je me suis dit, vu que c'est mon film préféré de tous les temps de Noël, on va se laisser avec une pièce musicale qui se retrouve dans Noël dans la montagne magique. C'est « I'd like to spend Christmas with Santa ». Oh non, j'ai parti ça. T'as pas parti la bonne? Oh non! Ben, OK. Quel gaffe! On écoute-tu deux? On a-tu le temps? Je voulais rire de l'extrait. Mais je me suis dit qu'on n'avait pas le droit de passer du Nathalie Simon. Le cœur en bandoulière. Oh, ben oui. Il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers. Ben, voyons donc. Mais le cœur à l'endroit. Il devrait faire un mix dubstep avec ça. Faisons okay. la messe si tu veux. C'est le refrain là. Tania chante. À réchauffer l'hiver fineux. L'amour a pris son temps. Ah. C'est incroyable. C'est incroyable. On ça, c'était pas. Un extrait de Nathalie Simard. L'amour oui. a pris son temps dans L'original. La gare des Tucs. Parce que il y a Dany qui arrive puis qui chante. Ben clairement. Il y a la version refaite sur oui, YouTube. Oui, mais je voulais pas mais la non. version refaite. Non, non c'est non, hors non. de question. Je l'ai même pas écoutée. Ça vaut pas la peine. J'en suis persuadée. Dany, est-ce que tu veux chanter sur le refrain? Est-ce qu'il y en a un autre qui s'en vient? Mathieu, je te trouvais très irrespectueux dans la pièce. Parce que je parlais vraiment, par-dessus. Ben oui, peut-être. Non, puis tu overjouais parce que tu riais de la pièce. Non. Moi, j'avais le goût de pleurer dans mon c'est, studio. C'est un classique, là, à vous. Total. Total. Il n'y a pas pour rien, je me suis déplacé. Là, j'étais brusqué. Il a fait 15 pas depuis son bureau pour venir ici. C'est tellement j'ai important. J'ai travaillé fort pour Nathalie. Oui. Oui. Allez la voir à sa cabane à sucre. Cabane à, sucre. À sa cabine, ouais, comme à sa cabine, oui. Comme tantôt. La cabine. Une cabine à sucre? Oui. Ah, oui. C'est petit, ça. Oui. C'est pas grand. Les portes battantes. Ben, c'est ça. What? Mais c'est même pas la pièce que je voulais faire jouer. Non, je sais, mais j'attendais que le refrain en bas. OK, Dany, attention. C'est bon, là, c'est bon. C'est vraiment bon. C'est vraiment la meilleure pièce de Nathalie Simard. Ben. C'est oui, c'est ça, on peut se le dire. C'est mieux de tourner la page. Ben, c'est mieux que tout ce qu'elle a fait. C'est ça. Ben, peut-être qu'elle fait de la bonne tire, par exemple. Ah, peut-être. Il faudrait aller faire un tour dans sa cabane à sucre. On écoute Dolly Parton. Oui, Dolly Parton avec I'd Like to Spend Christmas bon, with Santa. Bon, parfait. On écoute Dolly. Chante-nous ça. Tartine-nous de ton, de ta poitrine. I'd like to spend Christmas with Santa this year. Help him bring joy and cheer to everyone, everywhere. I'd like to spend Christmas with Santa. I'd like to go to the North Pole. Cold, but I wouldn't care how much it snows. I'd just like to spend Christmas with Santa, and I'd like to meet Santa's wife. I just know she'd be real nice. Now I wonder if they live in a house of ice. I'd like to spend Christmas with Santa. Oh, I'd like to spend Christmas with Santa this year. Him bring joy and cheer to everyone, everywhere. I'd like to spend Christmas with Santa, and I'd like to see all the elves blow toys for Santa. They made themselves. Who knows? They might even let me help. I'd like to spend Christmas with Santa. Spend Christmas with Santa this year, and help him bring joy and cheer to everyone, everywhere. I'd like to spend Christmas with Santa. Yeah, I'd like to spend Christmas with Santa this year. Help him bring joy and cheer to everyone, everywhere. I'd like to spend Christmas with Santa. Oh wow. Ça, c'est moins pire que Nathalie Simard ou... Hein? Non, j'ai pas dit que c'était moins pire. Okay. J'ai dit que c'était une pièce qui joue dans le film de Noël, Le meilleur au monde. Merci, Tania. Je suis beaucoup trop heureuse d'avoir fait cette chronique-là à matin. Tania Esgonnet, tu t'éteignes tous les matins à Assemblage Requis. C'est pour toi, grand-maman. J'attends. Au retour, une grosse pointe d'adresse à ça.

Et ce que vous allez voir, c'est beaucoup plus meilleur que ça n'a l'air. Oh boy! Oui, on a dû faire vite sur le deuxième produit, mais c'est des Skittles, là. Ça goûte les Skittles, puis c'est tout ce que vous avez à savoir. Et voilà. On parle quelques instants avec Samuel Girard de l'émission Génie en Liberté qui s'en vient à 9h30. Bonjour Samuel. Hey, bonjour. Merci pour tes services bien rendus, ton travail communautaire est fait. Mm-hmm. On va pouvoir suivre ton papier. Je suis content d'avoir participé. Pour ta sentence pour bon comportement. Bref, on te libère. Génie en Liberté, tu vois ce que je voulais dire, on te libère. Ben oui, je vois ça. C'est ça? Oui. Hey, sérieusement, l'ingénieur en moi est vraiment malaisé par la fausse représentation sur les bonbons indiens. Ouais, c'est mensonger, hein? C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Je suis pas capable de construire une façon d'apprêter qu'est-ce qu'il y a là pour donner qu'est-ce qu'il y a sur l'emballage. C'est pas la je même recette. Qu'ils ont congelé. Ah, ça, c'est possible, par contre. Est-ce que c'est supposé être congelé? Est-ce que tu sais lire l'indien ou l'hindou qui est sur l'emballage? Ça dit qu'on doit garder au frais et au sec, ce que j'ai fait. Ouais. Mais peut-être que sur la photo, ils ont été congelés avant d'être coupés de même. Peut-être. Hey, avant de défoncer trop, Samuel Girard, qu'est-ce qui s'en vient à Génie en Liberté tantôt? Ben très simple, en fait. Faut que je corrige une petite lacune, vu qu'hier, j'ai changé mes plans de soirée. Donc, au lieu de préparer mon émission, je suis allé voir la tournée Panache à la salle Annès à Rousseau. Bon, tu vois les priorités dans la vie, hein? Ben, c'est ça. Hey. Donc, je vais parler de ça. Fait qu'à avoir perdu toute cette préparation, je vais vous raconter un peu ce que c'était. OK, parfait. C'est ça. Après ça, on va avoir un premier invité pour parler de nostalgie. Après ça, on va avoir un spécial Commission Charbonneau, parce que le rapport est tombé cette semaine. Ça fait depuis que je fais de la radio que j'ai ce segment-là de près. J'attendais juste de pouvoir le faire, mais le rapport a tellement été reporté et reporté. Mais là, enfin, je peux le faire, le segment. C'est incroyable. Après ça, on va avoir une chronique finance de Jean Seb, si ça lui adonne. OK, c'est pas... J'aime ça les peut-être. OK. C'est ça, mais ça se comprend dans... Ouais, dans son cas. Ouais, c'est ça, exactement. Et évidemment, on va terminer avec le conflit qui oppose les taxis à Uber. Oui, Uber. Ah, mais c'est le fameux Uber. Et en plus, on a dit dans une chronique récemment à Assemblage Requis qu'il y aurait une autre compagnie québécoise de taxis virtuels, de commandes de taxis virtuels, Théo. Qu'on l'a dit hier. Oui, écologique. Ils sont pas sortis du trouble, les taxis. Non. Ça va être beau, ça. Ça va chialer pas mal tantôt. Oui, donc c'est ça, en gros, pour l'émission. Voilà. On se passe pas la tête aujourd'hui. Génie en Liberté à 9h30. Merci, Samuel. Ça fait plaisir. Bonne émission tantôt. Sinon, sur nos ondes aussi, il y aura à 11h le dîner de con. Après ça, en après-midi, il y aura David Ferron avec Palmarès du Monde. Ma reprise de Mathieu Planchot est là à 13h. En soirée, très blues assez fou avec le père de Tania, Denis Baudin. Yep. Génie en Liberté à 9h30 s'en vient. On se quitte. C'est tout. Bonne fin de semaine, Tania. Hey, oui, parce que demain, on peut dormir. On peut dormir. Demain, c'est les meilleurs moments entre faire samedi à midi. Sinon, il y a les Palmarès C'est Fou, Mathieu Plancho. Tout le monde est là sur cif.ca, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Et on se quitte sur notre chanson préférée. À la semaine prochaine.